Urban Dancehall, tous les mardis de 18h à 19h. Présenté par Timothée Milton, Buddy Anton et Guillaume. Urban Dancehall. L'émission qui met de bonne humeur tous les mardis soir entre 18h et 19h. Allez, allez, il est là. On donne un peu de soleil parce que... Ah ouais, là franchement on en a besoin. Hein. En tout cas, ce sera encore mieux quand vous reviendrez de Miami. Comme ça, là, ça va être chaud comme la braise. J'espère bien. Quelle bonne nouvelle. Bah ça va, écoute, la forme. Passez un bon week-end. Impeccable, et toi? Ouais, toujours. Bah écoute, ouais, très bien. Une petite sieste sur la route, ça fait pas de mal. Ah, un quart d'heure de repos, ouais, c'est vrai que ça fait du bien. Il sait tout, il sait tout. Alors, quelle bonne nouvelle pour cette émission de ce mardi 11 mars. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Il y a toujours des bonnes nouvelles dans nos émissions. Nouveauté de la semaine. Écoute, je pense qu'on a trouvé de bonnes petites choses cette semaine. Encore avec un bon coup de cœur aussi. Une présentation de label, le label Code Red. Oui, c'est vrai. On va parler d'un nouvel label et l'artiste Master H. Ça commence bien. Ah oui, je me sens. Je sens que ça va être bon ça. Aujourd'hui, on est bon. Ensuite, on part du côté d'Amsterdam pour une présentation de club. On va vous présenter le Jimmy Woo. L'agenda des soirées à ne pas manquer. Et on finira par le petit track Remember pour faire verser une petite larme à notre petit Guillaume. Oh là là là, j'aime bien le track Remember. En plus, allez, on termine en beauté en plus. Hein. Sur un vieux vinyle, d'ailleurs, je pense qu'il va bien, on va bien l'entendre. S'il saute, c'est normal d'ailleurs. Ça va bien. Il était vraiment dans le. Qu'est-ce que t'as fait avec ce vinyle? Qu'est-ce que t'as fait? Il n'y a pas beaucoup de poussière dans ma chambre, on va dire ça, quand il y avait de la moquette. Tu as stick souvent alors? Oui, c'est ça. Il s'est. Oh non, c'est vrai. Ça y est, c'est parti, ça va commencer. Les meilleures nouveautés soulful, garage et house sont dans Earth and Soul. Bangana. On coupe court tout de suite aux rumeurs, hein, et on commence justement avec la première nouveauté de la soirée. Une petite nouveauté qui nous vient de nos amis norvégiens, nos amis de Bangana. Donc en fait c'est un pseudo de Sumo qui sont aussi. Oui, c'est ça. Ouais. Donc un son un peu dark mais bien groovy comme on les aime. C'est la version dub du titre Aurora qui sortira d'ici 2 mois sur le label AIFI, que je remercie d'avoir envoyé d'ailleurs. Très bien, gros cœur à découvrir. Justement, il y a IFI, j'ai l'impression qu'il y a autre chose aussi. J'ai été sur le site, il n'y a pas que le label, apparemment ils ont des restos. Ouais, c'est un bon concept de truc avec vraiment plus un son particulier, plein de beaux extraits à découvrir et ça en fait partie. Donc une petite exclue pour Earth and Soul. Très bien, on commence dans le 126 BPM et c'est Earth and Soul qui vous accompagne jusqu'à 19h. Thank you. première nouveauté de la soirée. On met déjà la barre assez haute hein, avec cette première nouveauté. Bangana, le titre Aurora sur le label Eya Ifi. Une petite adresse internet éventuellement pour nos amis qui sont sur le web en ce moment. www.eyaifi.com. Eya, donc je vous l'appelle H-E-Y-A, Ifi comme Ifi, H-I-F-I. .com, impeccable. Les meilleures nouveautés soulful, garage et house sont dans Earth and Soul. Earth and Soul. Et oui, aujourd'hui, grande première, vous allez avoir le droit d'avoir deux nouveautés qui se ressemblent un petit peu puisque nous avons Knee Deep. Et oui, comme le hippie me plaisait, je leur ai mis deux fois, mais ce n'est pas bien sûr la même chanson. Vous allez pouvoir l'apercevoir tout de suite puisque nous avons le titre Darlene et sur le label Knee Deep aussi. Donc voilà, on fait tout. C'est la 5 Knee Deep aujourd'hui. C'est la 5 Knee Deep. Ouais, voilà. Ils seront... Non mais je trouve qu'il est vraiment bon, tu vas voir. Regarde, on l'entend monter là. Plus d'infos, myspace.com/Knee Deep Bros, comme brosse à dents. Comme Mario Bros. Comme Mario Bros. Tout simplement. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. Deux artistes américains. On dirait que c'est dans la musique en plus, c'est excellent. Ouais. Il va pouvoir ajouter les voix sur le morceau. Ça va être bon ça. Allez, c'est bon, c'est bon. La deuxième nouveauté de la soirée. Oh, Vinci avec à l'instant. Ah là là, la voix de Timothée. Là. Je me suis pas trompé, franchement. Ah, t'étais vraiment bon dans les temps. Oui, il est bon. Il est très très bon, ce EP. Il est sorti donc. Il est sorti ou il va sortir? Il est en train de sortir. Il est chez. Il est. Non, il est presseur. Ça travaille. Voilà, c'est ça. Ça tu travaille. L'entends en promotion, mais il est en train, il arrive par ses petites ailes. Non, il est sur tracksource.com, c'est là que je l'ai chopé. D'accord. Mais en vinyle, je pense que d'ici la semaine prochaine. Très bien, bonne nouvelle alors. Donc à surveiller le Knee Deep avec le titre Darlene, c'est ce que vous venez d'entendre à l'instant. Les meilleures nouveautés soulful, garage et house sont dans Earth and Soul. Earth and Soul. On enchaîne avec la troisième tout de suite. On va retrouver un remixeur qui est un peu à la mode en ce moment. Je trouve pas mal de trop bon. De bons trucs. Et donc on va vous présenter tout de suite Jazz Loungers featuring Maxime Ryan avec le titre Joy et avec le remix justement de Richard Earnshaw. À surveiller particulièrement sur le label Real Groove. www.myspace.com/realgroove. Voilà, et d'ici quelques instants, on aura encore d'autres nouveautés à vous faire partager, sans oublier l'agenda Galaxy autour de 18h30. Et puis bien sûr, l'agenda des soirées, plein d'autres choses. C'est dans Heart and Soul jusqu'à 19h avec Timothée Milton et Huggy Anton. C'est bon ça. The spirit. Are you ready Avicii, la troisième nouveauté de la soirée avec à l'instant Jazz Loungers, feat. Maxine Ryan avec le remix de Richard and Shaw, et c'est disponible sur le label Rickrow avec le titre Joy. Une adresse peut-être MySpace pour les connaisseurs. www.myspace.com/realgroove. Real, c'est R2EL groove, G-R2-O-V-E. Voilà, petite on va dire pas une petite faute, mais petite subtilité, on va dire. Oui. Voilà, c'est ça. Les meilleures nouveautés soulful, garage et house sont dans Earth and Soul. Earth and Soul. Tout de suite. On m'entendait pas? J'ai eu peur qu'on m'entendait plus. Je vois un casque sur ta tête, donc tu devrais t'entendre. Mais justement, je me suis pas entendu, donc ça m'a fait un petit peu peur. Je me suis dit, ça y est, m'a encore débranché cette fois-ci. Tout de suite, un titre, à mon avis, que vous allez bien apprécier, un peu deep house, tout ça, dans l'esprit aussi, ce qui se fait actuellement, avec un artiste, Gonfish, alors que c'est la première fois que j'entends d'ailleurs. Alors, je sais pas, ça mélange de gon et de fiche. Oui, alors on pourrait dire plein de choses là-dessus. Avec le titre Everything is Illuminated. Et avec l'accent, ça donne Everything tout is allumé. Voilà, en gros, c'est ça. Pour ceux qui ne savent pas encore bien parler anglais. Et puis le label, c'est Sophitone. On peut éventuellement donner des cours, hein, tu sais, à l'antenne. Tu donnes des cours ou pas? Ah, mais on peut éventuellement. Moi, je suis pas professeur. J'ai quelques connaissances, mais je ne prétends pas connaître tout par cœur. Alors, plus d'infos, myspace.com/Sophitone. Comme ça se prononce. Tout simplement. Alexi, autre nouveauté, un peu plus calme que les autres qu'on a pu entendre à l'instant sur le label Sofitone Records, c'était Gunfish avec Everything Is You Illuminati de l'assistant. Tu vois, c'est pas difficile quand même. Non, on va laisser Guy le dire. Everything is illuminated. excellent. Non, rien à dire. 10 sur 10. Les meilleures nouveautés soulful, garage et house sont dans Earth and Soul. Earth and Soul. Je sens que je vais faire une petite sieste d'un quart d'heure. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que ça te fera pas de mal, Guillaume. Je crois aussi. Allez, dernière nouveauté de la soirée avant de retrouver l'agenda Galaxy d'ici quelques instants. Et c'est présenté par notre ami Timothée. Non, Huggy. On retrouve. On peut faire un mot chacun. On peut faire un mot chacun. Kni, Nidip. Donc on retrouve Knidip. Ça faisait longtemps. Le titre cette fois-ci All About Love, extrait du même EP que Darlene, qu'on a écouté tout à l'heure. Donc sur le même label, Knidip. Avec toujours la même adresse MySpace, il n'y a pas changé depuis tout à l'heure. Non, toujours. C'est pas Luigi famille. Cette fois-ci, c'est Mario Bros. www.myspace.com/knidipbros. Voilà, d'autres infos donc sur ce site-là. Et puis, il y aura bien sûr dans quelques instants l'actualité. Puis, tout ce qui concerne l'artiste de la semaine, ce sera Master H de Paris. Exactement. Et puis, le label qui est le label Code Red. On ira faire un petit tour donc du côté de l'Angleterre. Et puis, sans oublier bien sûr les rubriques habituelles de cette émission. Il n'y a pas de souci, on les a préparées. Oui, l'agenda, tout ça. Et puis, tu vois, on t'a pas piqué cette semaine Tu vas pouvoir faire ton bon petit agenda. On t'a pas piqué cette fois-ci. Je veux bien préparer, mais ça va être des informations, ça. Ok, c'est okay. Bon, sérieux. Allez, dernière nouveauté de la soirée sur la belle Knidip Records. aussi avec un instant le coup de cœur de la semaine sur le label Knee Deep Records avec le titre All About Love. Ah, je dirais même plus All About Love. Attends, j'essaie de. Je vais le redire une fois. On aurait dit Danny Boone. Quoi? On aurait dit Danny Boone. Ah bah écoute, j'ai toujours pas été voir le film d'ailleurs. Pour raconter ma vie, encore une fois de plus. Et après, on se met à poil. Non, j'attends un petit peu. De toute façon, ça sert à rien à personne dans le studio. Il n'y a que nous trois. Ah, c'est vrai, c'est pas très intéressant. D'ailleurs, on attend toujours. La webcam. Ouais, puis les copines aussi. Les copines aussi. Bon, en tout cas, c'était donc le coup de cœur de la semaine, All About Love de Knee Deep. Si vous voulez plus d'informations, n'oubliez pas www.myspace.com/KneeDeepBros. Oui. C'est bien ça. Oui, c'est tout à fait. On peut rappeler l'adresse Certain Soul peut-être. Oui, bien sûr. www.myspace.com/artandsoulsound. Et oui, et en plus, pour ne pas dire de bêtises, nous avons notre site internet qui est arrivé. Tout à fait. Bon, pour l'instant. En construction. En construction. Il y a juste le fly de la prochaine soirée qui est en ligne, mais d'ici quelques semaines, il devrait être très bien étoffé. Pardon. Donc ce sera artandsoulmusic.net. Bien. Bon, ouais. Je sens qu'il va déjà y avoir quelques clics alors. Clic. Allez, tout de suite, un autre clic, c'est celui de l'Agenda Galaxy avec une première information qui concerne les artistes, en tout cas le 38e salon des artistes qui se déroule jusqu'au 23 mars prochain au centre socio-éducatif de Ouattrolo. Et c'est l'Atelier des Arts justement qui met à l'honneur cette année le meilleur de l'art moderne et qui vous invite à découvrir quelques 350 peintures et sculptures. Si vous voulez des renseignements, vous pouvez contacter le 03 20 80 802 820. Et puis une autre information concernant la Ligue d'improvisation professionnelle de Marc Ambarol qui vous invite à découvrir justement leur prochain rendez-vous Impro Café. Ce sera vendredi 4 avril à partir de 20h30 à la salle Jacques Brel de Croix. Comédiens et musiciens improviseront sur des thèmes donnés en direct par le public. Et si vous êtes intéressé, bien appelez le 03 20 28 52 17. Ça vous plaît un petit peu tout ce qui est improvisation? Tout à fait. Oui. Qu'est-ce que tu veux que j'improvise là tout de suite maintenant? Allez. Qu'est-ce qui se passe? Rob. Soul. Ah. Rob Soul. Ah, c'était ça de l'improvisation normalement. Ah, Rob, peu, sinon ouais. Enlève-la. Ça va, je trouve que tu m'as pas encore eu cette semaine là. Si tu nous écoutes. Toute l'actu de vos labels et artistes préférés sont à découvrir maintenant sur Galaxy. Allez, on enchaîne avec la rubrique et c'est l'artiste de la semaine. Mais qui est à l'honneur justement cette semaine? Eh bien, nous, notre ami de Paris, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de lui d'ailleurs, on n'a jamais parlé de lui, puisque c'est Master H qui est à l'honneur cette semaine. Et oui, ça fera plaisir à notre ami Matt Le Matou, je pense qu'il est en train de nous écouter, puisque je sais que c'est un grand fan, donc petite dédicace au passage. Alors, ben oui, justement, nous allons parler de Hassen Gouaned, qui est son vrai nom finalement, alias Master H. Attention, une belle phrase que je vais vous dire tout de suite. C'est un staccanoviste des platines. Alors, que veut dire ce mot qui vient de très très loin? Alors, on a des gens très cultivés ici parmi nous qui vont nous le dire tout de suite. Moi, ça me rappelle le collège quand j'ai passé mon BEPS. J'ai dû en parler, je crois. C'est au moins 25 ans, ça. Ouais. Non, peut-être pas quand même. Alors, c'est quoi la définition au jeu de mots? Excusez-moi. Timothée allait tomber, il s'est rattrapé. Et donc, Stakhanov, c'est juste un ouvrier russe qui a été un très très très très gros travailleur, qui a été récompensé pour son courage à l'époque des goulags, il me semble. Et ça a été un employé qui a été plus ou moins le modèle de la Russie et des ouvriers russes. Donc, il a été cité en exemple, on va dire. Donc, t'as vu ça, la culture, quoi? La prochaine fois, je vous prends dans l'agenda Galaxy et vous allez pouvoir parler de ça. Ouais, un peu d'histoire, Géo, ça fait des bien. Donc, un Stakhanov des platines, donc à mon avis c'est parce qu'il est un peu dingue derrière les platines, de toute façon je pense qu'on l'a déjà vu et finalement c'est une véritable chose. Marseillais d'origine, et oui il vient de Marseille, il habite à Paris maintenant mais c'est un Marseillais quand même. Donc le garçon a taillé sa renommée en usant des feutrines des sound system. S'il vous plaît, mixant ses boucles funk house sur des beats house. En fait c'est vrai qu'il a un mélange entre la musique, on sent son côté influence funky, très funky. Je l'avais vu il y a quelques temps du côté de l'H2O et c'est vrai que c'est un véritable phénomène. Il fait des bons, ce qui paraît derrière la platine, c'est vrai. Ah ouais, je te jure, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Tout ça, sans rien, faut le dire. Ah ouais, bah, bien sûr, sobre. Attends, c'est la musique qui fait ça. En tout cas, il joue depuis 10 ans et il a été remarqué par Laurent Garnier, qui lui confie sa résidence dans son club en Corse. Je n'ai pas trouvé le nom de son club, mais apparemment, il a fait confiance, donc c'est qu'à mon avis, il en valait la peine. En 2003, il sort son album 13. Alors attention, petite anecdote par rapport à ce chiffre, qui veut dire 13. Il nous vient de Marseille, et donc à mon avis, je pense que c'est pour cela qu'il a... C'est pour la plaque d'immatriculation. Voilà, ouais. Voilà, donc il a appelé comme ça. Et c'est un premier album qui a une allure de best-of, parce qu'il y a vraiment de très très bons tracks parmi... cet album, et grâce à cet album, il a pu jouer dans les plus grands clubs prestigieux du monde entier. Et puis on le voit régulièrement en ce moment au June, à Paris, justement on en parle souvent du June, et puis dans d'autres clubs. Et puis rapidement on le retrouve sur des gros labels tels que FCOM, qui est un gros label parisien, Urban Torque, Soma ou encore Vega Records, le label de Louis Vega, où il a signé un titre qui s'appelle No Ordinary. Et oui, d'ailleurs je pense que nous allons l'écouter d'ici peu. On l'a préparé en fond, donc Master H avec le titre No Ordinary sur Vega Records. Plus d'infos sur Master H sur son MySpace, alors n'hésitez pas à aller faire un petit tour, myspace.com/MasterHUnit, tout collé. Et le label sur lequel il signe No Ordinary qui est Vega Records, donc myspace.com/Vega Records. Vega Records. Et il travaille son accent avant de partir à Miami. Moi j'essaye, c'est pas évident, tu sais. Bon, on aura peut-être l'occasion de reparler tout à l'heure de Miami, justement. Oui, tout à fait. On a mis quelque chose de côté pour ça. Très bien. On va écouter d'abord le track. Exactement. Ordinary de Master H. Heaven's above. It would be aussi avec un instant l'artiste de la semaine qui s'appelle Master H. C'est un Parisien qui fait des très belles choses apparemment. Exact. Hein. Moi je trouve que ouais. c'est bien. Très bon comme morceau. Et c'est un peu dans tous les styles en plus. Là c'est un peu plus house. Il peut être aussi un peu plus tech house, ouais. un peu plus. C'est vrai que sur les morceaux sur Urban Torque et tout ça avec sur Soma il fait des trucs un peu plus pointus, un peu plus péchu. Voilà. Péchu, groovy même. Voilà. Très bien. Bon, et eh ben écoutez, donc vous avez bien noté. Si vous voulez plus d'informations sur cet artiste, pardon, décidément, ce soir c'est pas la soirée. www.myspace.com/masterhunit. Toute l'actu de vos labels et artistes préférés sont à découvrir maintenant sur Galaxy. Et forcément, c'est une petite tradition. Après l'artiste de la semaine, eh bien, le label de la semaine. Alors ce soir, on part du côté de l'Angleterre. Exactement, dis-moi, tu me dis bien ça. Alors on va parler du label Code Red. Oui, donc un sous-label d'un gros label finalement que tout le monde connaît, Defected. Donc à l'honneur, c'est DJ Spen, l'un des fondateurs en fait de ce label. Donc qui a vraiment influencé, parce que en fait finalement tous les morceaux qui sortent chez Code Red, il y a plus ou moins toujours un mix de DJ Spen qui fait vraiment de très très bons morceaux. Donc c'est un label très innovant en matière de Soulful House, avec des productions toujours chantées. Donc c'est vrai qu'on a rarement entendu un morceau sur ce label qui n'est pas chanté. Et en fait c'est vraiment comment dire, c'est bon quoi. Je ne trouve pas le mot, mais c'est très très bon. C'est jouissif. Oui, voilà, c'est ça, c'est jouissif. J'osais pas le dire parce qu'on aurait pu l'interpréter autrement. Mais oui, donc vraiment de très très bonne production. Donc je vous dis tout de suite le site web finalement pour aller faire un petit tour. Alors c'est coderedrecordings.com. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. On peut retrouver aussi des artistes réguliers qui signent chez ce label, comme Tommy Davis, Master Kev, Digi Technique, The Moussa. Oula, j'ai oublié. T'as oublié un K. Ouais, The Moussa Funkaz. The Moussa Funkaz. C'est ça, je disais que ça rendait pas pareil. Ou encore des divas. Donc ils font beaucoup de featuring avec des chanteuses comme Lisa Millet, Michelle Weeks, ou encore Anne Nesby. Enfin, il y en a plein. Donc n'hésitez pas à les faire un petit tour. Etc. Et à noter aussi que leur événement qui se fera aussi à la conférence de Miami, au même endroit que nous d'ailleurs. Très bien. Et oui, pourquoi tu rigoles toi? Pour rien. Si tu rigoles. Dis le fond de tes pensées. Non, donc, on parlait donc du Chelsea Hotel. Oui, voilà, c'est ça, j'ai dû écrire une bêtise. Le vendredi 28, il y aura lieu donc la Code Red Party, la conférence, donc au même endroit que la soirée Earth and Soul, qui aura lieu, elle, le mardi 25. Donc c'était juste une petite anecdote. Ouais, voilà, c'est ça. Petite info. Voilà, une petite info. En tout cas, on va retrouver tout de suite, justement, je parlais des divas comme Lisa Millet. Et justement, l'un des derniers tracks qui se trouve sur ce label est justement Lisa Millet avec le titre When I'm Dancing. C'est la remix, justement, aussi de DJ Spen, puisqu'on parlait de lui. Et n'hésitez pas, parce qu'il est vraiment très très bon, à aller aussi sur pour le choper en CD sur tracksource.com, ou encore, je rappelle, le site coderedrecordings.com. Alors, When I'm Dancing avec le remix de DJ Spen tout de suite sur les ongles de Galaxy. C'était bien beau ça quand même, non? Quel monologue, incroyable. Oui, je prends tout ça là. Non, mais c'est bien. Ok. Dancing, dancing. gotta go, gotta go. Avec un instant, le label Code Red à l'honneur ce soir dans l'émission En Temps de Sol depuis 18h en direct avec Timothée Milton et Huggy Anton. C'était oui, oui. Le superbe titre avec la jolie diva Lisa Millet. Enfin, je dis jolie, je ne sais pas à quoi elle ressemble. Ouais. Eh bien, je ne sais pas, je la connais pas. Ok. Non, mais elle est sympathiquement gentille, quoi. Sympathiquement, elle est gentille, on va dire. Ouais. D'accord, bon. Non, mais tu sais, en général, les divas, ils aiment bien manger. Oui, c'est vrai, elles ont du coffre. Ouais, ils ont, voilà, c'est ça, c'est pour. T'es pas une diva, Guillaume, par hasard? Attends, je t'emmerde. Non, parce que je sais qu'ils mangent beaucoup. C'est juste pour ça. Mais bon, je me dépense bien à côté. Donc, ah oui, c'est ça. Il fait plutôt baraqué. Tu prends Guillaume. Tu prends quoi, toi? Mais je disais pas ça du tout par rapport au poids. Allez, je connais bien Guillaume. Montre-nous tes beaux biceps. Montre-nous tes beaux biceps. Non, ils sont sous deux pulls. Deux pulls. Ah ouais, c'est vrai que. Ouais, je me suis dit, allez, je mets deux pulls aujourd'hui. T'es pudique, toi, en fait, comme garçon. Ouais, j'aime pas trop me montrer, en fait. C'est pour ça que je suis derrière un micro, derrière une grosse vitre. Non, c'est dommage. Mais t'as pas le physique de radio pourtant, Guillaume. Non, c'est vrai. Le meilleur du mobile et l'agenda des soirées, c'est tout de suite dans Art and Soul. Art and Soul. Et justement, on continue cette émission dans la joie et la bonne humeur avec tout de suite un club. On ira, donc on va du côté de Amsterdam. Tout à fait. Donc c'est on pas va, très loin. Hein. Bah non, proche de la frontière belge, le Jimmy Woo. Un club pas très connu dans le coin qui fonctionne très très bien sur Amsterdam, qui a une très bonne réputation. C'est un groupe en fait qui fait partie d'une chaîne, plus ou moins une chaîne de clubs. Ça s'appelle Tao Group. Ce sont une chaîne qui est spécialisée dans tout ce qui est japonais, plus ou moins oriental, voilà, oui, sans dire de bêtises. Et donc la déco s'inspire vraiment de l'esprit asiatique et le club est tout simplement magnifique. J'ai été visiter un peu sur le site, parce qu'on n'a pas encore eu l'occasion d'y aller en réel. Mais sur le site en plus, le site est très intéressant, il y a une visite guidée du club. Visite virtuelle. Virtuelle guidée du club. En plus avec des petits jeux interactifs avec les visiteurs, c'est vraiment c'est original et sympathique. Donc, il y a même une roue de la fortune. Ah ouais, d'accord. Ok, c'est fini. Je passe. Voilà. Des branches. C'est fini. Donc le club en fait se divise en trois parties. Donc il y a une partie l'entrée tout simplement fait partie d'une des parties du club. Quand vous pénétrez, vous avez un long couloir avec pas mal de petites décorations sympathiques. Puis vous passez à la suite. Donc dans la suite, c'est là où vous pouvez déguster les cocktails dînatoires, tout ce qui est. Vous pouvez même prendre un petit peu à manger, vous ressourcer un petit peu avec une musique un peu plus calme. Et dans le fond de la suite, vous avez le club. Donc le club est tout simplement magnifique. Comme tu l'as déjà dit. Mais on redit parce qu'il est vraiment magnifique. Juste du club, du dance floor, etc. Donc en fait, c'est un peu. Je sais pas si vous avez vu le clip de Justin Timberlake. Your Body. Ouais. C'est vous voyez un peu le club dans lequel il danse, et c'est un peu c'est carrément dans cet esprit-là. Donc le plafond est tout en LED. Il y a 12 000 LED qui sont sur le plafond. Ça donne une ambiance particulière. Puis le dance floor, ce sont des dalles multicolores qui s'allument en même temps qu'on danse. C'est plus ou moins sympathique. C'est sympa, c'est bon ça. Un sound system exceptionnel, la marque Function One, que pour les puristes, c'est plus ou moins le meilleur son qu'il y a disponible. Une programmation musicale terrible. On joue de la soul, on joue du funk, on joue de la house, on joue du un peu plus électro, on joue vraiment de tous les styles, il y en a pour tous les goûts. C'est ouvert du mercredi au dimanche. Et en capacité, il y a combien de personnes maximum? Le club n'est pas très très grand, à mon avis, rien que je parle au niveau du club, du dance floor, on peut mettre 400 personnes. D'accord. Donc c'est plus ou moins correct pour créer une bonne ambiance. Ils ont une bonne équipe de résidents, beaucoup de résidents connus d'Amsterdam, donc avec des spécialités bien différentes. Et le dimanche, ils ont un résident de marque, c'est Jennifer Harris, un américain qui est là souvent très régulièrement le dimanche. À un moment c'était tous les dimanches, mais maintenant un peu moins. Donc on a pu retrouver des artistes américains. On a eu Colette, Charisma. On a eu aussi bien Jazzy Jeff en hip-hop. Quelques pointures intéressantes. Donc si vous êtes du côté d'Amsterdam, n'hésitez pas. D'ailleurs, je vais vous conseiller le site www.jimmywoo.com. Allez faire un petit tour et visiter le club. Et tout de suite d'ailleurs, pour présenter l'esprit musical du club, on va retrouver l'un des résidents du dimanche, donc Jennifer Harris, avec le titre Do You Believe in Love, featuring Chappelle, mais même si là c'est la version dub. Donc c'est le remix de JT Donaldson, sorti sur le label de Jennifer Harris, Faris Will. Un titre un peu plus péchu que t'en as entendu un peu avant, mais bien pour les fins de soirée. Il y a une sacrée basse en tout cas là-dedans. Ouais, voilà, ouais. Donc avec le système Function One, ça doit donner là-dedans. Et, donc une petite adresse MySpace, www.myspace.com/FarisWillRecordings ou tout simplement www.jennifaris.com. Toujours aussi professionnel, mon petit Dougie. Avec un instant l'ambiance du Jimmy Woof qui se trouve à Amsterdam. Donc si vous voulez faire un petit tour là-bas, n'hésitez surtout pas à aller sur l'adresse internet qui est le www.jimmywoo.com. Jimmy Woof s'écrit J-I-2-M-Y-W-2-O. C'est à Amsterdam, c'est pas très très loin. Un petit effort pour la route et puis une petite sieste d'un quart d'heure, on sait jamais. Voilà. Entre les deux, on ne sait pas. Soirée, c'est tout de suite dans Heart and Soul. Et c'est parti pour l'agenda. Voilà. Ce qui devait arriver arriva. J'ai encore une fois trop parlé. Ok, j'arrête. Alors, on vous a concocté pas mal de petits trucs, dont une soirée puis une Paris au High Club à Nice, du côté de Nice. Il y en a qui nous écoutent de Nice pour ce vendredi 14. Et il y en a. Tour. Avec Michael Canitro et Tony Garlin d'ailleurs. Exactement, oui, on les a pas cités. Mais en tout cas. Oui, parce que la particularité de Timothée, c'est qu'il lit, mais il lit, il s'arrête à la moitié en fait. C'était même pas marqué. Il n'était pas écrit. Hein, arrête de dire ce qui n'est pas vrai. Mais si, c'est écrit en blanc en fait dessus. Ah bah oui, c'est ça. Tu peux pas le voir. C'est ça que je l'avais pas vu. Mince. Donc on revient en Belgique, mais on retrouve un artiste français toujours. Donc c'est Laurent Garnier qui sera du côté du pétrole à Anvers. Très bien. Alors attention, on prend l'avion pour partir très très loin à Sao Paulo. Eh oui, s'il vous plaît. Pour voir Sandy Riviera du côté du Pacha à Sao Paulo. Un petit côté du Brésil. Hein. Ah, c'est pas mal hein, de temps en temps de faire des dates un peu plus loin. Samedi 15, une soirée versatile, donc le label Versatile avec Gilbert et Romain Béano au Social Club de Paris. Alors du côté de la Belgique, toujours un petit peu plus près, alors qui n'ont pas au casino, oui, au stand, mais qui est à Gand, du côté de l'Eskimo Fabrique. Voilà, exact, vous retrouverez la soirée Defected in the House avec Dimitri from Paris, Siamo, Raoul, Tino, et je pense que c'est tout, hein. Oui. Ce qui est déjà pas mal, donc n'hésitez pas à aller faire un tour du côté de Gand ce samedi 15. Donc du côté du June à Paris, la soirée Motown avec Reverend P et Alex Fikin. Delano Smith et Arnaud Le Texier seront du côté de La Fabrique à Londres. Et voilà. Et voilà, c'est tout pour ce moment. C'est pas mal quand même. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour du côté de notre blog. On a mis toutes les infos en ligne sur le myspace.com/earthandsoulsound. Et très bientôt, un nouveau site officiel. Nouveau site aussi en plus, hein, avec www.earthandsoulmusic.net. Il y a déjà le flyers de la prochaine soirée. Vous pouvez faire un petit tour d'ailleurs dessus. Et puis ce sera actualisé dans les prochains jours. C'est ça? Oui, c'est bien ça, Guillaume. Merci. Non, c'est bon, je sais. Bon, alors. C'est bien. Un petit peu à la bourre, mais c'est pas grave, 19h. Oui, 7h pour commencer. C'est pas grave. Moi, j'espère bien. Bon, bah écoute. C'est l'heure du track Remember, il me semble. Je crois aussi. J'entends la voix. J'entends Jean-Louis Pompi. À Vesoul. Alors, quelle année ce track Remember? 97. Ah d'accord, je croyais que c'était encore plus vieux, parce que ça craque pas mal. Ah ouais, c'est du vinyle, hein. C'est du pur vinyle de chambre d'il y a quelques années, hein. Ah d'accord. Donc oui d'accord. Avec donc l'artiste, où ils sont peut-être plusieurs, oui, Children, ça, ouais, je pense, hein. Children of the Planet Earth, s'il vous plaît, avec le titre You Are the Future sur le label Soul Music. Est-ce que c'est un label qui existe encore? Oui, tout à fait. C'est un label de Glasgow, il me semble. Oui, c'est ça. Et ils sortent encore quelques trucs, mais même pendant une période, ils étaient un petit peu silencieux au niveau du studio. Mais là, ils s'y remettent depuis un petit moment avec quelques bonnes sorties. Voilà. Très bien. Et ben, on va surveiller ça de très près. En tout cas, c'est le track Remember qui clôture cette émission Heart and Soul. Bonne soirée à toutes et tous. Voilà, c'est la fin de l'émission. Eh oui, déjà. Que de souvenirs sur ce track. Tout à fait. Ça nous rappelle notre enfance. C'était Johan, j'aime beaucoup ça. Ouais, c'est vrai. Bon, ouais, bah écoute, on va peut-être mettre un petit peu en appétit nos éditeurs pour la semaine prochaine. Tout à fait, parce qu'on leur réservait un petit truc spécial, conférence de Miami, avec plus ou moins tout ce qui va se passer. On va parler d'artistes, de musique, enfin, un petit peu. J'en dis pas plus. D'accord, alors. Pour mettre le mot à la bouche. Peut-être préciser un petit peu qu'est-ce que c'est la conférence de Miami, parce qu'il y a des gens qui écoutent certainement, ils parlent de Miami, conférence, qu'est-ce que c'est ce truc. Est-ce qu'on peut éventuellement donner plus d'informations aux gens gens qui nous écoutent et qui découvrent éventuellement Galaxy aujourd'hui, par exemple. Pourquoi tu me regardes comme ça? C'est moi qui dois parler. Non, moi je peux aussi très bien le dire. Pas en anglais, hein, en français, bien sûr. En fait, c'est 4 jours ou 5 jours, en fait, dans l'année où il y a lieu les plus gros événements, plus ou moins des artistes, des labels du monde entier qui sont plus concernés, tout ce qui est musique électronique, en tout cas pour cette période-là de l'année. Donc on peut retrouver les plus gros DJ, tout ça. La plupart des gens viennent jouer gratuitement aussi, c'est ça aussi le truc. À part vraiment les grosses soirées. Soit dans les clubs le soir, voilà. Très payantes. On peut retrouver vraiment tout le gratin de la musique électronique quoi, en 4-5 jours et avec, je sais pas, 60-80 événements par jour quoi. Donc du matin au soir, ça n'arrête pas. Et puis tout est concentré à Miami Beach en fait. Donc on peut vraiment voir tout le monde. Dans un très beau cadre. Ouais, c'est, Et le but principal, c'est la promotion des les labels qui viennent faire leur promo, voir les prochaines sorties à venir, les prochains buzz sur les morceaux, etc. C'est ce qu'expliquait à la télé. Il y avait un reportage sur une chaîne privée, la numéro 6, ouais. Où il y avait d'ailleurs David Guetta et Bob Sinclair qui parlaient un peu de la Winter Conference et qui parlaient surtout du buzz de Love Generation qui avait été testé par exemple à la Winter Conference. Donc il a très bien vu que ça allait être un tube et c'est plus ou moins c'est pendant les 5 jours où tous les DJ, tous les représentants de la musique sont là et en général quand ça fait un buzz au niveau de cet événement là, donc en général derrière l'été ça cartonne à Ibiza, ouais, quoi. Voilà. De ce côté là quoi. Donc voilà. Et justement donc on fera d'ici 2 semaines quand on sera en direct de notre événement au Chelsea Hotel. Que je rappelle d'ailleurs Earth and Soul Music qui sera en direct là-bas à Miami. Donc tu nous intervieweras, c'est ça? Ah ouais, c'est ça. On va vous appeler à Miami et puis on va prendre un petit peu la température là-bas. Hein. Ça c'est très très bon. On va t'envoyer plein de soleil. Ah j'espère. Plein de degrés. Enfin, en même temps, on ne sait pas encore s'il va faire du soleil là-bas. Hein. Ah à mon avis, si. Hein. C'est jamais. C'est un climat désertique. Ah non, Rock Miami, non, c'est vrai que c'est pas pareil. C'est pas Los Angeles. Ah non, c'est pas la même ligne. Côté. Hein. C'est du côté de. C'est la même ligne que la Floride. Portugal et tout ça. C'est du côté de la Floride en fait. Oui, oui, tout à fait. Floride, ouais. Tout à fait. Très bien. Bon voilà, je pense qu'on va devoir se quitter malheureusement. Moi, tu veux qu'on continue encore? C'est la fin du disque en plus. C'est la fin du disque. Et les gens appellent pour avoir des places gratuites pour le week-end prochain. Aïe, quand même. Hein. Heureusement qu'on est là. Hein. Heureusement. Bon, messieurs, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Toi aussi, Guillaume. Toi aussi. Non. Merci. Et puis, à la semaine prochaine. À mardi. À mardi prochain. Excellente soirée à toutes et tous. Salut. Galaxy. Out of time.